temps pourri, on les arme à la main. Certains s'exclament, quel avenir pour demain. Certains proclament le train, tandis que d'autres ont déjà levé les deux mains. Machine arrière, voilà ce qu'il faut faire. Je ne vous parle pas ici d'un simple retour à la terre. Bien au contraire, l'extension doit se faire. Les nations doivent se taire et réformer leur militaire. Qu'on efface les traces. Ah yeah. Check it out, yo. Et qu'on efface les traces de ces années de guerre où nos ancêtres fiers, manipulés par tant de tiers, ont dégénéré là, les couteaux dans la place. Là, il y a des degrés masse à face de notre bon vieil univers. Ding ding dong, le bruit des bombes a retenti. Des milliards de larmes sur les tombes ont rebondi. Ding ding dong, le bruit des bombes a retenti. C'est notre propre monde qu'on détruit, je vis parmi les abrutis. Arrière. Check it out, yo. C'est le même problème à l'échelle individuelle. Le malheur exponentiel est la cause des vertiges actuels. Car chaque être humain qui traîne dans les ruelles, c'est que demain peut-être il devra bouffer dans les poubelles. Ses pieds, ses mains et surtout sa cervelle. Se gagne chaque jour un peu plus à l'écoute des nouvelles. Du monde entier où le cauchemar a déjà pété. Du monde entier où le cauchemar a déjà commencé. Check it out, yo. Check it out, yo. Dans sans haine lorsqu'il débranche sa télé. Le spectateur contemporain finit souvent par oublier. Mais le grain malsaine s'est déjà installé. Et sans recul, c'est pas la peine. Ce sera une fausse journée de zèle. Son centre d'intérêt, tout comme celle qui précédait. Le poids de la peine fixe mon centre de gravité. Ding ding dong, le bruit des bombes a retenti. Des milliards de larmes sur les tombes ont rebondi. Ding ding dong, le bruit des bombes a retenti. C'est notre propre monde qu'on détruit. Je vis parmi les abrutis. Ah yeah. Check it out, yo. Voilà pourquoi je hais certaines castes de fantômes. Fangueules retranchées derrière de vieux théorèmes. Qui prétendent depuis des années pouvoir régler tous les problèmes. Mais leurs équations me semblent vaines. À l'échelle des nations ne seront jamais que des systèmes. Le système monétaire est l'idéal européen. Ce système est sectaire pour celui qui n'a pas de bien. Quand on parle de terre, je vois qu'on les atterre. De tous les indifères, jusqu'à ce qu'ils enterrent leurs frères. Alors la délétère, les zombies prennent le sentier de la guerre. Et l'on pécasse la face contre la terre. Des milliards de larmes sur les tombes ont rebondi. Ding ding dong, le bruit des bombes a retenti. C'est notre propre monde qu'on détruit. Je vis parmi les abrutis. Arrière. Check it out, yo. Check it out. Check it out, yo. Ding ding dong, le bruit des bombes. Ding ding dong, le bruit des bombes. Et ding ding dong, le bruit des bombes. Ding ding dong, le bruit des bombes. Check it out, yo. Ding dang dong. Check it out. Ding dang dong, le bruit des bombes a retenti. Des milliards de larmes sur les tombes ont rebondi. Ding dang dong, le bruit des bombes.